Notre collègue Serge Gémond nous apprenait dans le journal Le Quotidien ce matin que Martin Demers a été intronisé au temple de la renommée du cycliste québécois. Son honneur vient en tant que bâtisseur. Question de savoir un peu comment il a trouvé cet honneur-là. On le rejoint. Salut Martin! Bonjour. Martin, c'est un bel honneur que la Fédération québécoise de cyclistes t'a accordé? Oui, effectivement. C'est quand même une reconnaissance qui vient du monde du cyclisme, puis qui vient de tous les gens là, du Québec, avec un comité spécial qui intronise des gens, des bâtisseurs. Puis bon, ben, je pense qu'après plus de 20 ans de travail dans le domaine du vélo, ils ont reconnu un peu mon travail. Je pense que moi, c'est une belle honneur, effectivement. OK. Certainement que lorsqu'on parle un peu, qu'est-ce qui t'a rendu plus fier au cours de ta carrière de bâtisseur? C'est-tu vraiment l'éclosion des Julien Fillion, des frères Véro? C'est-tu également le Toboski à Saint-Félicien qui reçoit année après année une compétition d'envergure canadienne et québécoise? Qu'est-ce qui t'a rendu plus fier, là? Ben, en fait, c'est sûr que c'est un peu tout ça, mais je pense que le moment le plus crucial était certainement la venue de la Coupe du Monde en 2007. Je pense que c'était un moment culminant où peut-être que jamais personne n'aurait pensé qu'on pourrait accueillir une Coupe du Monde à Saint-Félicien. C'est quand même, je pense pas qu'on va revoir ça de notre vécu. Je pense une grande surprise pour tout le monde. C'était une grande joie de vivre cet événement-là. Et je pense que c'était le moment le plus culminant de ce qu'on a bâti autour de Toboski. OK. Mais il faut dire aussi que je pense que c'est par pure chance que tu as obtenu cette course-là, hein? C'est ça, effectivement. C'était un peu la même chose comme j'expliquais des fois à cette cérémonie d'intronisation. La première Coupe du Québec a été une chance aussi. C'était une cancellation en 1999 qui nous avait permis de sauter sur le plan provincial. Alors là, on a eu la même situation, plus inattendue d'une Coupe du Monde. Mais c'était un peu les mêmes steps qui s'est passé. Mais quand même, je pense que on dirait que les astres étaient alignés pour ça. On a eu une chance les Coupes du Québec. On a eu un événement spécial pour tout le monde. Elle nous a placé sur la map internationale. OK. Est-ce qu'il y a des chances qu'on revoie ça un jour? Une Coupe du Monde, ça me surprendrait beaucoup. Les exigences ont beaucoup augmenté. La télévision, je pense qu'il faut avoir. Pour garder un souvenir, celle de 2007, puis être bien heureux de ça. Il y aurait peut-être d'autres formats internationaux. C'est sûr que si, mettons, la fédération ferait des compétitions pour les moins de 23 ans seulement en Coupe du Monde, ben on pourrait peut-être là, ça serait plus facile d'appliquer. Quand on parle de toute la grande classe, les élites et les U23, bien, c'est plus difficile. OK. Est-ce que tu fais ça aussi par passion? Tu cours aussi, je pense, hein? Moi, à l'occasion, j'essaie des fois d'aller me tester un peu ces parcours-là. J'aime bien peut-être plus rendu à faire un vélo plus de récréation. Je pense que j'aime les deux. De temps en temps, je vais me fouetter un peu. Là. OK. Tu restes quoi à faire? T'as-tu d'autres défis que en tant que bâtisseur que tu aimerais accomplir avant que peut-être de laisser le flambeau? Bien, évidemment, là, le centre de ski avec le vélo, on essaie quand même de garder le château bien ouvert, cet endroit, ce site de Vélo-Montagna. Il faut essayer de le faire connaître davantage. Donc, peut-être qu'on le fait connaître beaucoup sur le plan compétitif. Je pense que le prochain virage est sur de se faire connaître sur le plan touristique, dans le fond, d'attirer des clientèles qui viennent faire du vélo pour le plaisir. Et c'est là-dessus, je pense, qu'on va tabler dans les prochaines années. Et puis peut-être un peu diversifier notre offre aussi, avoir d'autres créneaux qui nous permettent d'attirer d'autres gens, d'autres types de touristes, pour peut-être essayer d'avoir des revenus plus majeurs qui viennent de notre achalandage journalier. OK. Tu parles justement au niveau touristique. Tu as repris un petit peu la franchise d'arbre en arbre. Ça ne s'appelait pas ça, mais c'est ça que ça voulait dire. Est-ce que ça a quand même bien été pour la première année? Oui, on peut dire qu'on a quand même réussi à faire nos chiffres, puis c'était moindre, mais je pense qu'on devrait pas perdre de sous avec ça. Et je pense qu'on la prochaine année va être meilleure. Là, on a quand même vécu des changements avec la concession. Un peu, on était fermé au début, on a rouvert les assurances. Alors, un paquet de petits inconvénients de départ, mais que l'an prochain, je pense qu'on va en aura à les rencontrer une autre fois, et on va peut-être plus se concentrer sur notre plan marketing. Okay. Si on parlait maintenant de ce qui sent je veux dire des frères Véro également et de oui. Julien Fillion, ça va être une belle fierté quelque part là. Si on prend le dernier Julien, bien évidemment il nous a quitté un peu dans le domaine du vélo, mais évidemment il a fait quand même un bon bout de chemin là-dedans pour mettre Saint-Sébastien sur la map. Les frères Véro, bien je pense que eux sont très dominants sur le plan provincial. Victor travaille aussi et très dominant sur le plan national aussi. Fait que je pense que c'est une belle relève pour qui s'en vient. Puis il y en a d'autres jeunes qu'on essaye de travailler. Fait que pour les jeunes, ben, les frères Véro vont être un peu des modèles. Alors, je pense que ça augure bien pour nous. C'est quand même pas une grosse équipe, mais en tout cas, ceux qui sont là sont convaincus, sont passionnés aussi. Et ils vont s'entraîner au maximum de leur capacité pour donner des meilleurs résultats sur le provincial. C'est toujours intéressant. On est un site, on est considéré davantage comme un site de course, mais quand on a nos coureurs locaux, bien, c'est encore mieux pour attirer des gens. Ouais. Ben Martin Demers, ça me fait plaisir de te parler. Félicitations, c'est une bonne, c'est quand même très très intéressant. Et on va s'en reparler sûrement l'an prochain pour le championnat québécois de. Ben je pense que c'est le championnat canadien l'an prochain. Hein? L'an prochain c'est une Coupe Canada. Coupe Canada, ouais. 23-24 juillet. Ok, on s'en reparle sûrement d'ici l'an prochain. Merci Martin Demers qui vient d'être intronisé au temple de la renommée du cycliste québécois en tant que bâtisseur.